la mayele kubu ya kubu manzui Omukulu ya kwangwa kukuta isana na mielina ye Mdugo nyo sona saragiza la gina ngo peru perdi Mwere kwa kanto mwere si saka na kwa jomete Kante bravo la ki Lorette la perla Edgar Ngesoga ya DDP Christophe Muzungu Souci regret on se va sangana lingana zwinkubayo Baba toli na sonte batikana komi mi kwapa Kama samaritan ki a kwente revenirte Pokana ngezalili kamo ya mutema yo Chirita ki ombre ngay kota rubu ya liwa nangay bandi Sanza ebi matana butu etan sangana ontongote Smash Brown, Eric ici Bazeka, Papi Chaco Cash Money. Les locomotives n'ont pas virus, ça vous fait niquer les motos, elle fait ta kinga. Départ maillé, comme on télécharge, souk, y'a la vie en l'air. Connexion, y'a souci, je m'inquiète, y'a qu'à quoi, n'y vais comment. Y'a la voie, comme un instant pour se livrer. Tignons au salon, qu'à mouiller. Pourquoi au salon, n'a bouillé. A ta couteau, y'a ça, c'est. Souk, y'a des timons, toi, qu'elle a qu'à t'y qu'il n'a qu'au. Mais y'a aucun ailleurs, on y va. Yo ti que linda niña, con tu brazo no quiero mi mano. Yo ti que linda niña. Zuena lo cola torcho. Con tu brazo no match. Ouais. El cuadra, vieux bola. Cerveau lingué c'est du koufa Charma y'a ni wana koya kose Bébé c'est vire c'est pira katana moti y'a tiki Oliva y'a ki saka y'a kakava karte Eza ke umotoro waki Amour n'a vis la taba char blende Eza na mako kite y'a ko panza yango Pero li panga buke uzo se ki sa wazo E panza l'homme a vis au grand Eske za vaji tombe mazara Dile no se ando galo Ocho fine Amor no la broma Ocho fine Va e por me nae Ocho fine Va tu veni un anda Ocho fine Conte Gouverneur de Yomotombo Vengo bambo so te tanga la lisa pi A un sumi no to iba o copa zangai Ocho a casa la zinia bana ma pasa A un futa kati que se buco Obeza futa kati ke primuko Amo toa mi kwata enazi Aite la ringa yo nengo za nisheri Fuko zonyo kuru unga mura mura Vina ngo zango varo Ocho vini San jam ferro se del pirlo Ocho vini Unga e por la nari Ocho vini Ako veni vanga Ocho vini Kansele lo inge Dani Kogolo, honorable chancelier Le saint qui venait de se fendre. L'ingénieur de luxe, trésor Lukusa. Caméléo Atarabatami, Alisanga Yabami Sereketi, Azimpe Kulara Nabango, Sokoye Bayeka Kanambango, Cheiranga Atanamurili, Akobunga Yejameo, Atanayo Forma Kerela Balion. La boulevard du 30 juin, Yoyo Market et Lange, Arsène Motombo, qui vit mon pays. Is it?